Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux vendredi après-midi. Quelques mots avant de commencer. Nous, on est des membres du collectif Vivzo, qui s'est monté il n'y a pas longtemps, justement, il y a un mois et demi, deux mois, en apprenant la tenue du One Ocean Summit qui a été annoncée par Macron à l'automne autour d'un... Enfin, au détour d'un discours à Marseille sur la relance de l'économie et qui parlait de la relocalisation de l'industrie en France, donc assez peu porté sur des considérations écologiques. Il s'est dit qu'il allait faire le One Ocean Summit qui donne suite au World Ocean Summit qui a eu lieu en 2015 à Lisbonne, en France. Et on a appris courant novembre qu'il se tiendrait à Brest à la demande de la métropole brestoise. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se constituer en collectif pour organiser nous-mêmes un séminaire, justement parce qu'il y a très peu d'infos qui sont sorties à ce moment-là, et aujourd'hui encore, les infos sortent un peu au compte-gouttes ou sont contredites. Il devait y avoir par exemple des ateliers à la participation citoyenne la semaine prochaine, mais finalement la plateforme n'est toujours pas en ligne pour s'y inscrire, donc on a pris les devants, quoi. Et on a monté le collectif Calmer pour se dire... Le maire a bien invité au séminaire. Le maire est là, il existe depuis plus longtemps. Nous avons demandé le collectif Vivzo pour organiser nous-mêmes un séminaire. Simplement pour celles et ceux qui auraient des doutes sur le choix du séminaire, on peut rappeler quelles sont les thématiques que le One Ocean Summit a décidé d'aborder pour les quelques-unes qu'on a fini par voir apparaître, qui parlent un peu de leur conception de la protection des océans. Il s'agit tout d'abord de parler de la finance bleue, c'est-à-dire de cette idée de valoriser les ressources maritimes avec le pari que la spéculation actionnariale aura intérêt à préserver la croissance de ces ressources pour pouvoir continuer à faire du bénéfice en bourse, et que ça, c'était une bonne manière de protéger les océans. Développer le tourisme littoral, là aussi, sans compter le fait que tous les hôtels et l'industrie touristique, en pariant plutôt sur le fait que l'industrie touristique allait aussi investir cette nouvelle économie bleue qui est très prometteuse. Continuer à accroître la production d'électricité en développant les EMR, les énergies maritimes renouvelables offshore, donc des champs d'éoliennes et des fermes solaires. Extraire les minerais rares dont on découvre la prolifération dans les fonds marins et les nodules polymétalliques notamment. Et puis, voilà, des objectifs comme pacifier la Méditerranée en vue du commerce et puis exploiter l'océan Arctique. Voilà la conception de l'écologie qui met en avant la semaine prochaine au cours du One Ocean Summit qui se tiendra au Capucin. Et donc, on voit bien dans ces thématiques que c'est tout à fait la continuation de politiques et de stratégies gouvernementales capitalistes et néolibérales qui associent derrière l'idée d'écologie la possibilité de accroître la production énergétique, d'exploiter en même temps qu'on explore sous couvert de défense des ressources. Et donc nous, on a voulu affirmer qu'on ne se reconnaît pas dans cette conception de l'écologie. Et puis on tenait à prendre les devants parce que c'est une accélération de sommet. Celui qui se tient maintenant, il est en préparation aussi du sommet de l'ONU qui prévoit de légiférer sur la gouvernance internationale concernant les océans dès l'été prochain à Lisbonne. Donc il y a comme il dit, une accélération bleue, une ruée vers les océans en tout cas qui s'accélère et qui nécessite qu'on se prépare aussi pour savoir comment s'en protéger, y compris sur le plan juridique et sur le plan de la vie politique. Donc c'est pour affirmer notre différence et notre désaccord qu'on a tenu à monter ce séminaire de ce moment d'année. Moi, je n'ai pas grand chose à rajouter, mais c'est un peu ça. C'est un peu pareil de dire que ce format a choisi pour essayer de comprendre un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi qui se met en place. Quand on entend parler du sommet, ça nous montait vite le rage et on avait vite un peu, on cherchait à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait chercher à s'y opposer sans vraiment connaître ni leur vocabulaire, ni leurs enjeux, ni comment le nouvel habillement. Du coup, on fait ce séminaire pour essayer de le comprendre déjà, pour avoir les billes dans, de le combattre et de le comprendre. Je me répète un peu. Et aussi parce qu'on voulait, vraiment, on voulait marquer nos désaccords avec ça, quoi. On voulait pas juste simplement faire un séminaire pour faire encore un énième forum un peu citoyen avec la bonne tâche démocratique dans lequel on disait « Oh là, on peut peut-être discuter, on peut peut-être aller les entendre. » Moi, je suis inscrit sur la plateforme depuis 3 semaines et je sais toujours pas de quoi il s'agit. Il y a plein d'autres gens, des pêcheurs et plein d'autres assos qui veulent participer à ces trucs-là, qui s'interrogent d'emblée là-dessus, qui sont complètement mis-côtés. Et du coup, plutôt que d'essayer de les intégrer pour leur donner une image participative, citoyenne, comme on a vu dans tous les natifs du mandat de Macron, quoi. Et du coup, voilà, on se retrouve pas ça et on voulait bien essayer de se rassembler un peu pour ça, de trouver des pistes ensemble le long du séminaire, qui va se trouver un peu en différentes parties. Là, on va faire 2 jours ici à la fac, qui va être assez... On va plutôt en mode conférence, on va essayer d'apprendre, on a invité des intervenants sur lesquels on avait cherché des informations, quand nous on avait entendu parler du sommet, parce qu'on ne connaissait rien. Du coup on a lu des choses, on a regardé des films et on a invité des gens qui avaient des visions et des opinions là-dessus qu'on trouvait pertinentes. Et là-dessus c'est sûr que il y a différentes intervenantes, des intervenants qu'on a invités spécifiquement pour parler de certains sujets. Et qu'on va parler de ces sujets-là avec ces gens-là, on ne va pas parler de. Il y a des moments où peut-être le public va vouloir interroger des intervenants sur certaines thématiques qui ne sont pas abordées ce jour-là, mais on va essayer de faire ça vraiment thématiquement de jour en jour, parce que sinon ça va très vite devenir un cafouillage. Et oui, par contre, vous avez déjà remarqué dès le début, je pense qu'on n'est pas du tout habitué de faire ça. On n'est pas des pros, on n'a pas de. Maître de conférence parmi nous. Du coup, en effet, il y aura pas mal de remarques techniquement à faire sur nous, et pas grave. Mais du coup, on vous invite vraiment vivement de partager ces débats. On n'est pas là pour avoir un consensus à la fin. On ne cherche pas du tout à sortir de ces salles avec des idées ficelées ou des accords entre nous. Et on cherche vraiment à débattre, à comprendre. Du coup, voilà. Plus on va rajouter, sinon le petit programme du week-end. Du coup, on commence maintenant. Je vous fais ça juste rapidement. En fait, si vous voulez plus de détails, il y a une affiche à toi et puis des petits trucs comme ça. Du coup, à cette heure-là, et vous le savez sans doute, vous y êtes, l'océan, un bien commun contre l'accaparement. On fait une petite pause entre 17h30 et 18h. À 18h, ce sera la projection du film de Mathilde Louneau, Océan, la voie des invisibles, suivi d'une discussion avec la réalisatrice. Ça se terminera à 20h. Et demain, on commence à 10h. Non, on commence à 9h30, avec un café quiz. Et à 10h, tout se passera ici, à la PAC. En fait, voilà. Préciser, ça se passe un peu en deux temps. Vendredi, samedi, on va plutôt être sur un mode de conférence et de séminaire, et ça se passe du coup à la fac dans cet amphi-là. Et dimanche, on sera plutôt sur un moment plus d'échange, de réflexion et d'élaboration de critique collective. Et ça se passera au PLP1. Donc, on recommence le programme de samedi à 10h, économie bleue et croissance verte. Vers une climatisation de l'océan jusqu'à midi. Ensuite, grosse pause. On vous invite à une cantine, mais c'est pas possible de manger à la fac, c'est très compliqué. Du coup, ça se passe à l'avenir. On va faire un petit cortège commun si vous savez où c'est. Et il y a une super équipe de cantinières et cantiniers qui nous ont préparé des trop ou pas. À 15h, on revient ici sur le thème d'entre pêche et conchiliculture, comment défendre les océans. Une petite pause et à 18h, on passera à une introduction au bassin versant. Ce n'est plus de ce côté-là, Mais ouais, dimanche, au PL Guérin. En fait, non, au dimanche à 11h, un brunch, pareil, c'est pas facile de manger au PL Guérin, donc on mange encore à l'avenir. Et à midi et demi, on arrive au PL. Et ça va commencer avec un intervento des soulèvements de la terre, cette fois. Et s'enchaîner après sur des discussions collectives autour des suites à donner à ce séminaire, à nos envies de stratégie, lutte et force commune. Et ça se finit à 18h par un brunch à la ville. Voilà. Faut pas faire trop fort le samedi. Faut pas faire trop fort le samedi, mais le brunch ne commence qu'à 11h. Et juste logistiquement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben voilà, on est accueillis à la fac et avec ce que ça implique, du coup, il y a du contrôle de passe sanitaire, il y a des masques, on fait un peu bien pas ça, on aurait aimé faire mieux, mais on fait comme ça. Il y a une caisse à l'entrée, en fait, il y a des affiches à l'entrée, des belles affiches. Elles sont à vendre à prix libre pour soutenir un peu les frais ventes des personnes qui viennent et autres petits frais. Il y a des enregistrements de tout est en streaming. Vous pouvez dire à vos amis qu'ils peuvent écouter sur le site des soulèvements. Il y a un lien pour tous les coups de live. Si jamais il y a des personnes au moment des prises de parole, des questions qui seraient gênées par cet enregistrement vocal, qui n'hésitent pas à le dire, on va faire quelqu'un d'autre pose la question à la place, enfin, n'hésitez pas à faire signe si ça vous gêne. Pour la presse qui pourrait être là, ou même d'autres gens, on s'est dit que c'était peut-être mieux de ne pas avoir de prise d'image, ni vidéo, ni photo, juste pour que tout le monde soit à l'aise de prendre la parole et que, enfin, on sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être à l'aise avec ça, et du coup, plutôt que pas de prise d'image, mais si vous avez des enregistrements à faire, je crois que ça marche. Pour la suite, je suis ça rapidement. Pour la suite, si on a envie de rester en contact, on s'est dit qu'il enfin, y a une liste mail, et si vous voulez, vous pouvez venir voir la personne qui est là et vous donner votre mail. Et il va se passer d'autres programmes la semaine prochaine. Je n'ai pas exactement tous les détails, mais mercredi 9, vendredi prochain, peut-être d'autres choses. Ah oui, et dimanche, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer. On peut s'en parler un peu mieux et avec les détails là, dans les temps qui arrivent. Et voilà. Merci à la fac pour l'accueil, merci au labo, la VR, merci à Nicole Roux. Oui, elles sont réécoutables. Il y aura des copies aussi. Je pense que c'était cool, il y a plein de choses, on va voir comment ça se déroule et comment ça marche. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une trace qui reste et possiblement écrite plus tard et déjà dans le live qui existe. Alors, bon, il y a des choses qui ont déjà été dites, je ne vais pas les répéter. En gros, effectivement, les soulèvements de la mer, il y a deux grosses sessions, une à la fin plutôt de réflexion critique pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce que c'est que ce One Ocean Summit, mais aussi la séquence dans laquelle on est. Et puis une deuxième partie peut-être plus enthousiasmante, plus militante, avec des luttes locales, que ce soit sur la question des éoliennes, l'accaparement des océans, la petite pêche, l'aquaculture, ce genre de choses, donc, avec des gens en fait qui sont pas, curieusement, qui sont pas invités au sommet officiel et qui n'ont pas attendu ce sommet officiel pour protéger les océans. Concernant ce sommet officiel, je voulais quand même revenir sur plusieurs choses parce que pendant longtemps, on n'a pas eu d'informations. Il y avait quelques bribes d'informations qui filtraient dans le Télégramme et dans Ouest France, mais en fait, personne ne savait exactement ce qui allait être dit à ce sommet. Et du coup, personne ne savait trop pourquoi il fallait s'y opposer. Mais finalement, bon, le programme a été publié et il n'y a rien de scandaleux dans le programme, il y a plutôt des choses consensuelles sur lesquelles il est difficile d'être en désaccord. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la séquence dans laquelle on est, la séquence dans laquelle s'inscrit ce Watergate Summit. La première chose, c'est qu'il y a eu d'autres sommets qui portaient le même nom, des One Planet Summits, il y en a eu quatre dont l'objectif c'était de verdir la finance. Avec des écologistes tels que le prince d'Arabie Saoudite ou Paris, le patron de BlackRock. Et bon, voilà, ce qui en est ressorti, c'était derrière la finance, c'était du point de vue environnemental, c'était difficile de considérer qu'il y avait un bénéfice. En revanche, du point de vue de la finance, il y avait un bénéfice, c'était l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, immédiatement, quand il y a un sommet qui porte à peu près le même nom, le One Ocean Summit, on est un petit peu suspicieux. Et ensuite, il y a une chose importante à voir, c'est la façon dont il a été annoncé. Donc, il a été annoncé pour la première fois début septembre, à un moment où on demandait à la France, à Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, de se placer concrètement sur une question de protection des océans, qui était le fait de mettre en place un moratoire sur la question de l'extraction minière des fonds marins, qui est une question qui commence à être urgente. Et en fait, Barbara Pompili a dit non, la France. Ne s'inscrira pas dans ce moratoire. Par contre, on va convoquer un One Ocean Summit. Donc, ça veut dire que quand on demande à la ministre de l'écologie de se placer sur quelque chose de concret qui est l'extraction minière, elle ne le fait pas et à la place, elle convoque une discussion. Donc, c'est la discussion qui a lieu la semaine prochaine à Brest. Donc, la deuxième date importante, après, c'est le 12 octobre. C'est ce que disait Chloé tout à l'heure. Macron annonce un plan de relance de l'économie qui vise à décarboner l'économie, qui est un truc énorme, à 34 milliards d'euros. Et dedans, il y a des centrales nucléaires, il y a l'avion vert, l'hydrogène vert, la voiture verte, les batteries vertes, les microprocesseurs verts. Voilà, en gros, la capacité numérique verte ou Made in France. Et au milieu de ça, il y a l'annonce de exploiter les océans, protéger les océans et explorer, protéger, puis éventuellement, si on trouve des choses, c'est annoncé comme ça, et éventuellement, si on trouve des minerais, on va quand même pas s'en priver, quoi. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un peu confus dans la parole du président, et les ONG ont une raison de monter au créneau, c'est de dire, il y a quelque chose de suspect, vous annoncez 34 milliards d'euros pour l'innovation, vous faites une fixette sur la question des minerais, de l'approvisionnement en minerais, et puis là, vous parlez d'une manière assez confuse de protéger, explorer, exploiter les océans. Parallèlement à ça, il y a un autre rapport qui est commandé par la ministre de la Transition énergétique sur la question de l'approvisionnement, la sécurisation de l'approvisionnement en métaux qui vient d'être rendu la semaine dernière, le 10 janvier, sur cette question-là. Donc c'est assez étonnant de voir une ministre de l'écologie qui parle concrètement de réouvrir des mines en France, de lithium, de nickel, etc. Et puis ce rapport qui dit, bah voilà, on est quand même assis sur un tas d'or. Pas tant en France métropolitaine, mais plutôt avec les océans, quoi. Donc la question de la France, elle est un peu paradoxale, c'est que le territoire métropolitain est très réduit et est extrêmement dépendant des approvisionnements sur les questions minerais et énergétiques. Par contre, la France est le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Du coup, potentiellement, la France, elle est assise sur un tas, non pas d'or, mais sur un tas de nickel, de cobalt, de manganèse, etc., quoi. Et donc ça, c'est des questions qui ne sont pas... C'est pas curieusement, c'est forcément, ça n'est pas abordé au One Ocean Summit, parce que l'hypothèse, c'est que le One Ocean Summit, ça vise à faire diversion sur ces questions-là de l'approvisionnement en métaux. Il y en a d'autres qui sont un peu secondaires, comme la finance bleue, brancher les océans sur les marchés carbone et tout ça. Ça, c'est aussi le genre de choses qui vont être... qui ne seront pas abordées, mais qui sont aussi sous-jacentes à ce sommet. Et c'est vrai que si on regarde le programme, il est extrêmement consensuel, mais toutes les questions importantes que je viens de citer, elles ne seront pas abordées à ce sommet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la question des minerais, plus particulièrement, bon, moi j'ai appris le mot la semaine dernière, c'est les nodules polymétalliques, donc c'est une espèce de boule qui sont de métaux, qui sont assez profond, à 4 mètres de profondeur et qui concentre en grande quantité du manganèse, du nickel, du cobalt, etc. C'est un fantasme qui est déjà assez ancien. En fait, il y a déjà 50 ans, au moment de la guerre froide, au moment de la recherche spatiale, il y avait aussi une volonté d'aller voir au fond des océans, et il y avait aussi la promesse d'une croissance infinie, d'une croissance bleue avec ces nodules polymétalliques. Il y avait des chiffres complètement farfelus qui circulaient en 76-77. Les océans contiendraient 400 000 ans de consommation de minerais, etc. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un emballement complet dans les années 60-70 sur ces questions-là, parce que c'était la promesse d'une croissance infinie. Et aussi, il y avait une réponse en fait au Club de Rome, parce que le Club de Rome, c'était il y a 50 ans, il y a 50 ans, des ingénieurs avaient traité cette phrase qui reste d'actualité, une croissance infinie sur une planète finie, ça n'est pas possible. Cette espèce de fourrie des années 70 sur les nodules polymétalliques, elle visait à répondre à cette critique du Club de Rome qu'à un moment, il fallait arrêter la croissance. Quoi. Et puis, en fait, avec les chocs pétroliers, 73-79, il y a eu un ralentissement de l'économie, les cours des minerais sont effondrés, et puis l'extraction était trop compliquée, c'est très compliqué d'aller chercher un caillou à 4000 mètres de profondeur, et finalement, tout ça est un petit peu passé à la trappe. Et donc ça faisait 40 ans qu'on avait oublié cette histoire de minerais. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence où on voit bien que ces minerais vont en avoir besoin pour la croissance verte, on voit bien qu'ils sont aux mains de puissances avec lesquelles on n'est pas forcément en santé, que ce soit la Chine ou des pays d'Afrique qui sont où il y a énormément de conflits. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle séquence qui est avancée avec la croissance verte. Cette croissance verte, elle va reposer sur l'économie bleue, sur potentiellement l'extraction de minerais. Voilà, donc je voulais replacer ce mois de chapitre dans cette séquence historique un peu énergétique, pour dire qu'elle, du point de vue du pouvoir, pour continuer une croissance infinie, il y avait un peu une urgence à trouver de nouvelles sources de richesse énergétique. Et c'est assez logique que finalement cette question qui est extrêmement politique, parce que concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire des grosses machines qui vont aller chercher dans des endroits où on n'a jamais été à 4000 mètres de profondeur tout un tas de ressources énergétiques. C'est pas étonnant que cette question elle soit pas abordée à Wallachol Summit. Donc on commence là cette session avec Thierry qui est chercheur en sciences politiques et qui va nous expliquer les enjeux de gouvernance autour de la question des communs. C'est une introduction un petit peu générale sur les questions de gouvernance, un peu plutôt à terre, mais finalement c'est à peu près sensé. Ce qui se passe en mer est à peu près semblable. Et puis après on a Betty qui va nous présenter un article qui est une étude de cas sur la planification des espaces maritimes au Sénégal et au Brésil, et notamment comment cette planification des espaces maritimes elle peut procéder d'un accaparement vert. C'est des questions dont on a déjà parlé sur les pour les peuples autochtones, sur le fait d'un colonialisme vert, que l'Occident viendrait protéger les forêts au détriment des peuples autochtones. Et ces planifications d'espaces maritimes, elles peuvent aussi procéder de ce genre de choses en excluant les communautés locales qui vivent sur la pêche de survie, une pêche vivrière. Voilà, du coup, je laisse la parole à Pierre-Yves pour l'introduction. Parfait. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup de l'invitation du collectif et également à Nicole Wood d'avoir permis cette mise en contact. Pour commencer, je vais d'abord mettre un chronomètre quand même. Comme ça, je ne vous saurais pas trop longtemps. Alors, non, pour commencer, d'abord, je suis heureux d'intervenir dans ce cadre-là. Parce que, comme enseignant-chercheur, il est toujours agréable de voir quand l'université peut s'ouvrir aussi sur la société, être un lieu de débat, de contradiction. J'ai bien aimé dans l'introduction tout à l'heure, effectivement, on n'est pas là pour arriver à un consensus nécessairement, mais essayer aussi ensemble de produire une réflexion et d'éclairer les enjeux. Et de mon point de vue, pour vous l'expliciter un peu, je ne prétends pas donner un mot définitif sur les enjeux liés au commun maritime, puisque Afin de vous présenter d'où je parle, j'ai accompli ma thèse de doctorat sur la forêt amazonienne en Équateur et en Bolivie. Et à partir de là, j'ai tâché de formuler un cadre général d'analyse des communs environnementaux. Et donc aujourd'hui, je suis à un point de ma réflexion où je me dis que ce cadre général d'analyse peut effectivement échanger dans le cadre de mon post-doctorat, je bosse sur les terres agricoles, et puis évidemment le maritime, les océans et les communs maritimes, qui présentent des différences mais qui peuvent donner lieu à une comparaison intéressante. Donc l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est à la fois d'abord de présenter la définition des communs environnementaux et des enjeux liés à cette définition, ensuite d'étudier quels sont les mouvements matériels, économiques, physiques, qui traversent finalement l'ensemble des communs environnementaux et qui permettent justement de construire un cadre unifié, puisque des mêmes dynamiques sont à l'œuvre lorsqu'on parle des océans, des forêts tropicales, des terres agricoles, ils ne sont pas isolables. Et enfin, puisque c'est l'objet aussi de cette conférence et des jours à venir, elle vient de faire un petit point sur le contexte diplomatique, et notamment, dans le cadre du contexte diplomatique, de l'usage qui est fait de la notion de bien commun. Parce que le bien commun est en effet un élément et une notion présente dans la présentation de ce contre-sommet, mais il est également employé dans le cadre des négociations multilatérales d'une façon bien particulière que je vous présente. Ensuite, et pour mettre ça directement à côté, et parce que j'aime bien ne pas louvoyer, certains d'entre vous le savent, je suis à côté de mon rôle d'enseignant-chercheur, de mes recherches, engagé aussi politiquement à la France Insoumise. Ici, ce n'est pas le lieu. Non, mais je préfère le dire parce que j'aimerais bien que ce soit le cas en général, parce que parfois il y a des experts effectivement qui ont des engagements autres, et je crois que pour une question de transparence, c'est important de dire qu'à côté, même si ce n'est pas forcément le cœur, et ça ne l'est pas d'ailleurs le cœur de la recherche, eh bien ça permet tout de même de situer la personne qui parle en face, parce que je ne crois pas qu'il y ait de désarticulation, et encore heureux pour moi, hein, enfin vous peut-être vous en moquez, mais moi je suis content qu'il y ait une articulation entre mes recherches et mes engagements. Et je crois que donc il est important de mettre la lumière là-dessus, mais de l'évacuer tout de suite également. Alors, d'abord, un point sur les communs environnementaux. Le champ de recherche autour des communs s'est développé de façon progressive, et j'allais dire en mode crescendo, depuis les années 70. D'abord, il y a un article fondateur qui fait polémique et qui a été commenté, recommenté, discuté, rediscuté, qui vient d'un biologiste et d'ailleurs intéressé lui aussi par la question écologique, qui s'appelle Gareth Hardin, H-A-R-D-I-N. Et Gareth Hardin écrit un article qui s'appelle « The Tragedy of the Commons », la tragédie des communs. L'argument central, qui d'ailleurs n'est pas particulièrement nouveau, on retrouve des arguments de ce même type-là chez Aristote dans la politique. Mais l'argument central qu'il utilise, c'est que si un bien est en commun, s'il n'est ni privé, ni public, eh bien, l'usage des ressources va conduire à la détérioration du milieu et à l'épuisement des ressources. En gros, il n'y a pas de règle, puisqu'il n'y a pas de propriété, et vu qu'il n'y a pas de propriété ni de règle, la nature se trouve détruite. Tel est l'argument qu'il pose, et c'est vraiment à partir de là que va se déployer tout un champ de recherche, puisque à partir de son article, certains vont dire, finalement, il n'y a que deux propriétés qui peuvent valoir, la propriété privée, parce qu'on fait attention à ce qui est à soi, et la propriété publique, puisque l'État peut se mettre en situation de protéger tel ou tel espace. Donc voilà, ça va donner lieu à aussi deux interprétations assez différentes, mais qui vont à chaque fois soit valoriser la propriété privée, soit valoriser la propriété publique. Et arrive le début des années 90, et Elinor Ostrom, qui est politiste et économiste, dit « Il y a autre chose quand on regarde de plus près les pêcheries, les communautés agricoles, tel ou tel type de commun, il y a, même si la propriété n'est pas privée, même si elle n'est pas publique, des moyens de la conserver et de la rendre pérenne, puisque des régimes complexes sur le plan juridique et politique se créent à partir des communautés qui y vivent. Ils produisent des règles. » En gros, elle dit à Gareth Hardin, tu caricatures la manière dont vivent ceux qui vivent sur ces terres communes, en commun. Et de fait, la propriété publique liée à la souveraineté des États ou la propriété privée de type capitaliste sont toutes deux des innovations historiques, si on prend science place sur le temps long. Donc il est vrai que l'argument de Garrett Hardin résiste assez faiblement à une mise en perspective sur l'histoire de la longue durée. Alors, à partir de là, va se développer vraiment une expansion forte dans le champ de l'économie, de la science politique, de l'anthropologie. Il y a une explosion finalement du champ des communs qui va en faire, et notamment en France, un principe aussi politique. Il y a des philosophes comme Pierre Dardot, Christian Laval qui défendent le principe du commun comme un principe politique qui ne soit ni celui de la souveraineté populaire, ni celui de l'appropriation privée et du pouvoir sur ce qui est à soi. C'est autre chose pour eux. Il y a Benjamin Coria qui a fait des travaux sur les communs numériques, alors, sur l'économie des communs au niveau numérique. Et ainsi de suite, cela se développe. Et pour comprendre l'articulation entre propriété économique et principe politique, on peut faire référence au philosophe Cornelius Castoriadis qui distinguait chez les Grecs, athéniens, trois principes d'organisation. L'oikos, le foyer, qui était dans l'espace privé, c'est de l'économie, on va dire, enfin, des guillemets. Ensuite, l'ecclésia, espace de la délibération et de la décision politique. Et enfin, l'agora, espace de la délibération et de l'échange en commun. Et quand on a ces catégories posées par Castoriadis, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a quelque chose entre le public et le privé. Et que ce quelque chose est d'une certaine manière fondamental dans l'organisation des sociétés. Le débat se pose donc à la fois en termes économiques sur l'épuisement des ressources, puis en termes d'organisation politique. Et je fais, par parenthèse, une référence à Benoît Boris, qui dans son livre « Au-delà de la propriété » nuance aussi un peu le débat, en disant « Attention à aussi trop créer ces catégories communs État-marché ». Il y a un bouquin de Strom qui s'appelle « Par-delà de marché et l'État ». On en oublie que l'État ou la puissance publique peut aussi garantir les communs, et que cela dépend des contextes et des rapports de force sociaux et politiques. Et donc il réactualise la question du dépassement de la propriété, qui est finalement une question posée historiquement, enfin voilà, depuis le mouvement ouvrier du 19e siècle. Alors on a cette dimension économique, politique, et ce que j'ai proposé dans le cadre de ma thèse, et qui est ouvert à discussion bien entendu, c'est d'essayer d'ancrer la réalité des communs environnementaux dans leur dimension physique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a l'aggravation du changement climatique, il y a le taux d'extinction de masse des espèces, une crise majeure de la biodiversité, dans le cadre de ma thèse, une déforestation qui, en dépit de telle ou telle initiative politique, eh bien, continue comme un processus, d'une certaine manière, dont l'inertie empêcherait qu'il soit arrêté. Et à partir de là, j'ai proposé une définition qui objective les communs environnementaux, en disant que les communs environnementaux peuvent être définis comme des espaces dont l'altération ou la destruction menace la perpétuation des conditions d'existence des êtres humains et du vivant vertébré. Dans les poissons, si je ne me trompe pas, je parle sous contrôle de scientifiques. Mais, enfin, non pas que les sciences sociales ne sont pas des sciences, mais je ne vais pas rentrer dans ces valeurs. Donc voilà la définition que je propose, et elle permet, à mon avis, et ça serait à vérifier, mais elle permet d'intégrer les océans autant que les forêts tropicales et autant que les terres agricoles dont l'érosion est là aussi un phénomène mondial. Et elle permet de répondre à quelque chose qui est quand même fondamental dans les dynamiques écologiques, c'est que les frontières traditionnelles qui structurent l'analyse des sociétés internes, externes, locales, globales, nationales, internationales, sont complètement désarticulées des dynamiques de transformation physique. Et ça ne veut pas dire, comme à un moment donné, il en a été question, que seul serait pertinent l'échelon local, puisqu'en réalité, il y a aussi des dynamiques transversales. Et que donc, alors nous sommes un peu paniqués avec nos catégories traditionnelles. On se dit, mais comment faire ? Eh bien, d'une certaine manière, le défi, c'est d'arriver à penser tous les niveaux de pouvoir en même temps. Tous les niveaux et une certaine polices entre une cité, plusieurs centres de pouvoir qui déterminent des dynamiques économiques qui soit protègent, soit détruisent les communs environnementaux. C'est d'ailleurs quelque chose, hier j'ai écouté, il y avait une conférence de presse dans le cadre de ce sommet, où est intervenu Jean-Marc Daniel de l'IFREMER, et il disait, il faut bien voir que les océans sont également aujourd'hui des espaces anthropisés. C'est-à-dire qu'on y retrouve des traces nucléaires, par exemple, de pollution nucléaire, ou bien entendu, l'exemple qui, je crois, désormais est pollué massivement, des traces de plastique. On pense aussi au problème, là encore je parle et je pense que le dialogue interdisciplinaire est absolument nécessaire avec les je ne sais pas comment, les géoclimatologues, les physiciens, les biologistes, je ne dis pas, c'est pour ne pas dire science dure, mais l'interdisciplinarité est nécessaire pour que, en sciences sociales, on ne raconte pas, entre guillemets, n'importe quoi sur ces questions-là. Mais il me semble qu'il y a un processus de désoxygénisation de l'océan qui est en cours du fait d'une multiplicité de facteurs qui sont à la fois liés au changement climatique et aux polluants utilisés dans l'agriculture, avec l'azote, etc. Cela signifie que des dynamiques économiques, y compris quand elles ont lieu à terre, affectent les océans. C'est d'ailleurs une évidence quand il est question du plastique. Pour ce qui est du plastique, on a établi désormais qu'y compris les roues s'épuisant sur les routes avec les voitures, les camions, etc., produisaient des microplastiques qui ensuite dévalaient vers l'océan. Donc là, on a un bon exemple de circulation terrestre et puis pollution maritime. Comment inscrire cette définition des communs environnementaux dans les dynamiques économiques actuelles? Ou plutôt, comment s'y inscrivent-elles? D'abord, et je crois que ça a été rappelé dans ton introduction, Antoine, il est clair que la dynamique de croissance infinie, et en fait c'est un mot poli, enfin poli, je ne dis pas ça par rapport à ce que tu as dit, mais c'est pour dire capitalisme, c'est-à-dire des modes de production régis par la dynamique d'accumulation, ces modes de production sont incompatibles avec la protection des communs environnementaux. Moi, je considère qu'il y a, lorsqu'on dit cela, non pas un énoncé normatif ou politiquement orienté, je pense qu'on peut établir cet énoncé-là comme un énoncé scientifique. Et de ce fait, et en articulant cela, je pense que les travaux d'Éloi Laurent, qui est économiste, sont assez intéressants sur ce point de vue. Il a fait tout un travail sur les inégalités et la question environnementale. Et il distingue cinq dynamiques de l'inégalité qui interagissent avec nos communs environnementaux. Il dit, quand il y a une société, plus une société est inégalitaire, plus il y a un besoin inutile de production de richesses pour les plus riches. Première dynamique. Deuxièmement, ça accroît les responsabilités écologiques des plus riches, puisqu'ils se sont émancipés d'une certaine manière, gagnant du pouvoir politique et du pouvoir économique, eh bien ils se sont émancipés du contrôle social de la société. Ensuite, ça accroît la vulnérabilité sociale et écologique des sociétés, et notamment dans les sociétés des classes populaires. Bon, par exemple, on a l'exemple de l'ouragan Katrina qui a essentiellement tué des afro-américains qui n'avaient pas de moyens de se protéger, qui en plus ont subi une intervention très tardive du gouvernement américain. Il y a une entrave, et ça c'est intéressant parce que ça interagit avec le point d'Ostrom, mais une entrave aussi à l'action collective pour Éloi Laurent dans une société inégalitaire, parce que c'est plus compliqué de s'organiser. Et enfin, dit-il, il y a une réduction de la sensibilité des plus modestes par rapport aux enjeux environnementaux. C'est l'enjeu qui est de plus en plus celui du court terme, même si aussi dans ce moyen terme-là, ils ont plus d'intérêt. Donc là, il y a une dynamique économique qui est clairement antinomique avec la protection des communs environnementaux. Mais mettons par-dessus cela, il en a été question dans l'introduction, la question de la finance verte ou bleue. Eh bien, ça donne des choses assez surprenantes. Et je vous conseille et recommande la lecture d'un ouvrage d'Hélène Torchman, qui est économiste, qui écrit un ouvrage qui s'appelle La croissance verte contre la nature. Et elle y distingue pendant un moment différents modes d'évaluation économique de la nature. Alors, il y en a une, c'est pas enquête. On fait des enquêtes pour évaluer économiquement la nature. C'est une étude assez fameuse de la fin des années 90 de Loomis et White. Et on demande à des ménages américains combien ils seraient prêts à mettre par an pour sauver tel ou tel truc. Par truc. 26$ pour la baleine grise, 63$ pour le saumon du Pacifique, 8$ pour celui de l'Atlantique. On ne sait pas très bien, mais c'est un peu le perdant de la fin. Et donc ça, c'est un des modes d'évaluation, mais il y a un autre mode d'évaluation, c'est les flux générés par hectare de biens naturels. Donc là, c'est pas par enquête, hein, on essaye d'évaluer les flux produits de revenus par tel ou tel type d'hectare. Alors, un hectare d'océan, c'est 491$ par an, ce qui se trouve quand même nettement inférieur au récif corallien qui lui rapporte 352 249$ par an. Donc là, l'océan est surclassé par les coraux. Et les, voilà, et puis ça continue, les zones huiles côtières 193 845, forêt tropicale 5000 et forêt tempérée 3000. Ce genre de mécanisme d'évaluation n'est pas entré aujourd'hui encore dans le domaine de la finance concrète. Ça n'a pas donné lieu à des produits financiers effectifs. Mais le jour où ça donne lieu à des produits financiers effectifs, eh bien, on voit bien que le marché n'est pas en état d'évaluer correctement et de façon articulée à des réalités sociales, matérielles et physiques, la nécessité de préserver les communs environnementaux. C'est un peu au petit bonheur la chance, quand même. Et je vous passe tous les mécanismes, parce que j'ai pas le temps de rentrer dedans, mais tous les mécanismes de production de dérivés financiers dans la finance verte qui sont proprement réunissants. Des assurances risques climatiques, des assurances ci, ça, etc., qui ont refait, vous vous rappelez peut-être, hein, la crise de 2008, c'était la titrisation à l'infini, on garantissait des. Il y avait des assurances sur les risques et des assurances sur les assurances sur les risques, etc. Ils sont en train de mettre en place, avec la finance verte et la finance bleue, le même type de bulle financière. Alors, ils peuvent s'amuser, mais on voit pas très bien l'articulation et la protection effective des communs environnementaux. Et la même question se pose, il en a été question sur le lien exploration-exploitation. Dans le cadre des hydrocarbures, il y a eu une loi là, pour interdire l'exploitation des hydrocarbures en France. Un des problèmes posés par la loi, c'est que certains permis d'exploration avaient déjà été concédés et que légalement le permis d'exploration donne lieu automatiquement à un permis d'exploitation. Donc on a dû reculer dans la loi le délai à partir duquel les hydrocarbures ne pourraient plus être exploités en France. À voir maintenant, il y a une réforme du code minier en ce moment, et à voir ce que les sommets aussi multilatéraux produisent en termes de juridiction internationale de ce point de vue. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas de primauté du droit. Désolé s'il y a des juristes dans la salle. Mais je pense qu'il n'y a pas de primauté du droit. Le droit interagit nécessairement avec le reste de la société et avec des dynamiques économiques qui parfois le précèdent. Donc s'il y a des gens qui commencent effectivement à exploiter, je veux dire, par exemple en Bretagne, puisque je parlais des terres agricoles à un moment donné, c'est pas comme si ça n'arrivait jamais que des extensions d'élevage porcins viennent avant les autorisations préfectorales. Bon, eh bien, c'est un peu ce mécanisme, mais l'économie peut aller plus vite que le droit. Le droit, parfois, court derrière. Mais il faut souhaiter qu'on encadre qui court devant. C'est pas du tout un discours anti-droit, je dis. Mais il faut bien mesurer comment le faire. Et ce lien exploration-exploitation, il est lié aussi à un rapport à la nature. Bon, mais ça, j'ai pas le temps d'y rentrer. Parce que j'ai envie de vous dire un tout petit mot en conclusion sur le contexte diplomatique. Le problème du multilatéralisme environnemental, c'est qu'il a posé notamment sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vous vous rappelez l'accord de Paris, salué à grand renfort d'émotion. Bien, il a constitué un cadre non contraignant pour les États. Et le caractère non contraignant de ce cadre empêche d'en mesurer concrètement les effets. Dans le cas de la forêt tropicale que j'ai étudiée, la forêt tropicale n'a pas été particulièrement protégée, parfois même au contraire, par les dispositifs dits RED et RED+, négociés dans ce cadre multilatéral. Il est donc à craindre que les enjeux de protection passent un peu à l'as, et surtout que les enjeux de contrainte que la contrainte posée par le cadre international ne soit pas là. Et pour terminer, Il y a une tension qu'il faut aussi bien examiner, puisqu'on parle, je disais d'où je parle, mais il faut voir aussi d'où nous parlons, nous tous ensemble. Et nous parlons d'Europe et d'un pays du centre capitaliste. Et nous parlons donc toute une prise de conscience liée aussi des enjeux écologiques, etc., mais aussi avec un regard particulier sur cette question. Et il faut bien voir que dans les négociations sur l'océan, je vous recommande un article de Natalia Frozel-Barros, qui est une politiste très précise sur les questions de ces négociations. Et bien Natalia Frozel-Barros dit bien que les pays du Sud défendent non pas la notion de bien commun, mais celle de patrimoine commun. Et en fait, la notion de bien commun est apparue dans les négociations internationales autour des océans, après la demande par le G77 en 2011, de l'élargissement de la notion de patrimoine commun aux ressources génétiques dans l'océan. Et d'une certaine façon, Natalia Frozel-Barros analyse l'émergence de la notion de bien commun dans ces négociations internationales comme une manière de dédouaner l'Union européenne d'une responsabilité en termes de justice économique internationale, qui est au cœur de la notion de patrimoine commun, puisque cette notion a émergé dans les années 70 avec la CNUSED, etc., et notamment le droit sur les ressources minières et de sous-sol dans les pays du Sud. Il faut donc prêter aussi attention, lorsqu'on considère les communs environnementaux, aux enjeux de justice internationale. Ce sont des enjeux qui, si on ne les observe pas, ne permettent pas de comprendre les dynamiques effectives des négociations. Et Natalia Frozel-Barros souligne un problème. Elle dit, si nous ne prêtons pas attention à ce qui peut découler de l'effacement de la notion de patrimoine commun dans les négociations internationales, eh bien, on risque de se trouver uniquement avec le mot « bien commun » dans le préambule de l'accord, qui n'aurait qu'une pure valeur symbolique et qui, d'une certaine manière, risquerait de mettre de côté les enjeux de partage et des ressources et d'équité. Alors voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette introduction générale. Et je voulais bien vous citer un mot du philosophe Peter Sloterdijk, qui dans son livre « Règles pour le parc humain » donne une certaine forme d'horizon, ou en tout cas de perspective que nous pourrions nous donner pour la pensée et pour la pratique. Il dit « Il suffit qu'il soit bien clair que les prochaines longues périodes seront pour l'humanité celles des décisions politiques concernant l'espèce. Ce qui se décidera, c'est si l'humanité ou ses principales parties seront capables d'introduire des procédures efficaces d'auto-apprivoisement. » Voilà. On a pu aboutir en fait à ce travail sur la planification, peux commencer par définir ce que c'est. Que cette planification, en fait, on en discutait, c'est pas vraiment une aire protégée, la planification. C'est même vraiment pas, en fait, une aire protégée, même si, dans la logique, c'est pas, ça a pu s'ancrer dans cette démarche. En fait, au niveau de l'Union européenne, il y a une directive qui définit cette planification comme un processus par lequel les autorités, l'État, notamment les États membres, donc, vont organiser les activités humaines sur l'espace maritime pour atteindre des objectifs de développement durable, à la fois environnemental, sociaux et économiques. Donc ça, c'est la base. Ce qu'on s'est demandé, c'est si c'était vraiment une bonne idée d'appliquer cette planification donc, de l'espace maritime qui amène à définir différentes zones d'utilisation des espaces maritimes sur l'ensemble finalement des espaces, au moins pour l'instant sous juridiction des États. Quelles zones pour les éoliennes, quelles zones pour l'aquaculture, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de l'appliquer dans les pays d'Atlantique tropicale et notamment le Brésil et le Sénégal? Puisque pour l'instant, on ne pourra pas répondre sur la base d'un cas d'étude puisqu'il n'y a pas de planification de l'espace maritime ni au Sénégal ni au Brésil. Notre idée était d'arriver en amont avant qu'il y ait des dégâts potentiels et donc de pouvoir aussi alerter sur certains risques. Quels étaient les risques sur lesquels on s'est focalisé et comme tu disais, c'était la question de l'appropriation. Pas seulement l'appropriation verte d'ailleurs, parce que comme ce n'est pas une aire protégée, que ça vise l'ensemble des activités, finalement, à organiser l'ensemble des activités humaines, il y a un risque d'appropriation au sens vraiment large, hein, y compris pour des objectifs qui ne sont pas environnementaux du tout. Pour l'exploitation pétrolière, par exemple. Les licences de pêche aussi, ouais, par exemple. Et donc, c'est assez large, hein, les risques qui découlent de la mise en place de ce processus. Donc, pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on en vient aussi tard à s'occuper de ces questions de savoir qui fait quoi à quel endroit en mer, il faut remonter un tout petit peu dans l'histoire. Grosso modo, on va s'arrêter quand même à la Seconde Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la proclamation Truman en 1945, où unilatéralement les États-Unis expliquent qu'ils vont étendre leur juridiction sur les océans à hauteur de leurs plateaux continentaux. Alors que précédemment, c'était 3000 par an mer territoriale. Un petit peu plus. On a une extension donc de la juridiction d'une manière unilatérale et tout de suite, ils sont suivis par les autres États. Le Mexique la même année, le Chili en 1947 et puis l'ensemble des autres États. Cette évolution-là, elle va être actée par la Convention sur le droit de la mer en 1982. Donc en 1982, on décide qu'on va définir une zone économique exclusive de 200 000 marins, c'est-à-dire, donc 1 000 marins, c'est 1,852 km, ce qui nous amène, avec 200 000 marins, à 370 km et 400 mètres. Donc sur 200 000 marins à partir des côtes, on va avoir un droit d'exploitation exclusif pour les États de leurs ressources naturelles, qu'elles soient minières ou biologiques. Donc tous les nodules polymétalliques typiquement, mais aussi donc des poissons. À partir de là, donc on a parlé de creeping jurisdictions au sens d'une appropriation rampante par les États de ces espaces. On a parlé d'un développement les enclosures en parallèle en fait avec les enclosures qui s'étaient faites en Angleterre au XVIe siècle hein, par l'appropriation, le développement de propriétés privées justement sur des espaces qui anciennement étaient des communaux. Et donc il y a eu un petit peu quand même une vision un peu négative en même temps. En même temps, est-ce qu'on peut se contenter de dire finalement les États se sont appropriés des espaces qui étaient simplement des espaces qui appartenaient à tous et donc qui étaient beaucoup plus en lien avec un bien commun? Ben oui et non, parce que à ce moment-là, qui est-ce qui va pêcher au-delà de 12 000 qui est-ce qui va récupérer des nodules polymétalliques hein, dans les grands fonds au-delà des plateaux continentaux? C'est les pays riches hein, et leurs entreprises. Donc en réalité, ce qui apparaît comme étant quelque chose qui correspondrait à un bien commun qui aurait été largement approprié par des États, c'est aussi une forme de redistribution dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, c'est vrai que c'est un exemple hein, qui est assez intéressant parce que de prime abord, on a l'impression qu'on va vraiment contre cette logique de bien commun. Et quand on y regarde de plus près, en réalité, le bien commun, là, c'est au sens res nullius, c'est-à-dire hein, les biens qui y figurent hein, n'appartiennent à personne, ils appartiennent à celui qui s'en saisit. Et ceux qui s'en saisissent, hein, ce sont ceux qui ont les moyens techniques de le faire. Donc, on a cette évolution qui se fait et au fur et à mesure, donc, eh bien, il va y avoir hein, des exploitations faites sur cette base. Qu'est-ce qui se passe hein, si un État n'exploite pas l'ensemble de ses ressources naturelles, par exemple, et qu'il souhaite tant en bénéficier? Eh bien, il fait des contrats, il fait des accords, hein, notamment avec d'autres États, et c'est ici l'exemple des licences de pêche. Typiquement, on a par exemple, alors on va y revenir, avec le Sénégal et l'Union européenne, on les accorde un accord de pêche. Et sur la base de cet accord, un certain nombre de navires qui battent pavillon de l'Union européenne vont pouvoir pêcher dans les eaux du Sénégal sur des espèces déterminées, un total déterminé, etc. Tout est déterminé donc par les textes qui découlent de cet accord. Et en contrepartie, il va y avoir notamment une rétribution à l'État sénégalais. Donc, on en était là sur cette exploitation, sur l'exploitation minière de la même matière, on va avoir des contrats. Et puis, cette notion donc, de planification s'est développée avec l'idée qu'on va avoir de plus en plus d'activités en mer. On a déjà de plus en plus d'activités en mer. Hein. Et sur certaines zones, la mer du Nord typiquement, hein, la planification a commencé d'ailleurs en partie là en tout cas, c'est tellement dense hein, qu'on va avoir besoin de cartographier, de planifier la possibilité d'intervention des différentes activités. Ce qui en Europe a véritablement mis le feu aux poudres, hein, c'est les éoliennes. Parce que c'était complexe avant, mais grosso modo, il y avait une habitude en fait. On arrivait à organiser à peu près, il y avait de nouveaux venus qui étaient plus ou moins bien intégrés, mais ça allait encore. Quand on a commencé à mettre en place des éoliennes en mer, hein, là on avait un besoin d'espace pour ces éoliennes, un besoin de planification pour les installations qui devenait compliqué si on n'avait pas en fait une forme de cartographie de l'espace maritime. On commence donc à développer, début des années 2000, par exemple en Belgique, hein, une planification. Et puis, ça va s'en aller. On va le faire très vite hein, à l'échelle de l'Union européenne. Hein. On va avoir plusieurs États qui s'en saisissent. Le Royaume-Uni, la France aussi, avec la loi sur l'environnement en 2010. Et puis l'Union européenne, qui en 2014 a adopté une directive pour étendre donc, et appliquer cette planification sur l'ensemble des mers de l'Union européenne. Et on ne s'arrête pas là. L'Union européenne va avoir une position très active à l'échelle internationale, notamment au travers de l'UNESCO, pour faire en sorte que cette planification s'étende partout, donc dans l'ensemble des États. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de transposer ce concept qui a été fait à la base par et pour les pays riches dans les pays de l'Atlantique tropicale? Alors, la première chose, comme je vous le disais, qui nous est venue à l'idée, c'est que ça risquait de favoriser des appropriations. On a parlé d'appropriation verte. Ici, en fait, c'est la logique notamment d'exclusion d'un certain nombre d'activités quand on met en place des aires protégées. Et c'est des choses qui existent déjà. Donc, effectivement, pour certains types d'aires protégées, on va avoir, et pour protéger certains espaces, il faut bien exclure certaines activités. La difficulté, c'est que, eh bien, il y a des humains qui développent ces activités, que parfois ça a un impact qui peut être important sur leur vie, notamment pour les petits pêcheurs. Donc, les réalités de l'appropriation verte, ça a été une grande discussion entre nous. On était 11, je vous rappelle, de disciplines différentes et de cultures différentes aussi. Et ça n'a pas été forcément simple, justement, de se positionner, mais justement, ça a été très constructif d'y réfléchir. Parce que le risque, en fait, en affirmant ce risque d'appropriation verte, c'est de servir d'argument pour dire, oh, ben non, il ne faut pas faire d'air protégé, de toute façon, c'est mauvais, ça fait de l'appropriation, ce n'est pas légitime. C'est pas l'idée. Et d'ailleurs, et c'est ce qu'on a mis en valeur, du coup, il y a des exemples d'air protégé, y compris marine, qui fonctionnent très bien et sont d'appropriation. En fait, tout est basé sur la manière dont on implique les populations, dont on implique les gens qui vivent sur l'espace de l'air protégé et aux alentours, les gens qui vivent de ces espaces, qui pêchent par exemple. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent participer à la définition des règles de droit qui vont régir ces aires protégées? Donc, c'est pour l'appropriation verte, c'est ce point-là. Un élément qui est important sur la planification, c'est que, comme ça fonctionne avec des cartes, c'est un peu l'idée donc, d'avoir une cartographie d'ensemble des activités pour déterminer qui fait quoi à quel endroit. Eh bien, il y a une tendance à réduire l'environnement aux aires protégées. Et ça, c'est un risque. Parce que l'environnement, évidemment, la protection de l'environnement, c'est pas que ça. C'est un ensemble, c'est une implication de l'ensemble du collectif sur toutes les règles environnementales à adopter, une implication de l'ensemble des activités sur tout l'espace, et pas seulement sur une zone. Ça, c'est l'environnement. Le reste, laissez-nous faire ce qu'on veut. Donc, c'est ça vraiment le risque de réduire l'environnement aux aires protégées, c'est finalement d'abandonner les autres espaces. Et à ce moment-là, même si on arrive à 50% d'aires protégées comme ça a pu être demandé, eh bien, ce ne sera pas satisfaisant. Parce que personne ne voudrait vivre dans les 50 autres pourcents dans lesquels on aura complètement négligé l'environnement. Donc voilà, là c'est un élément qui me semble important dans cette vision de l'environnement par la carte. Mais qui peut être évité, mais il faut y penser. Il y a d'autres types d'appropriation. L'appropriation des espaces côtiers, par exemple, les pêcheurs, ils ont besoin d'espaces à terre. Ils ont besoin d'espaces à terre et sur le littoral, parce que pour leurs installations, pour les criers, pour la mise à l'eau des bateaux, etc., ils ne vont pas le faire 50 km dans les terres. Hein. Ils ont besoin d'espaces sur le littoral. Là, ils vont se retrouver en concurrence avec d'autres activités qui sont parfois perçues comme beaucoup plus lucratives, le tourisme typiquement. Et même pour simplement vivre, on va avoir, je reprends l'exemple des pêcheurs qui vont devoir vivre dans des lieux qui sont plus éloignés du littoral, alors que leur activité est vraiment proche, mais parce que tout simplement le prix de l'immobilier est trop élevé et réservé au final à certaines activités comme le tourisme. Donc là, on a un risque à nouveau d'appropriation des espaces parce que bien, certaines activités vont pouvoir faire valoir leur caractère particulièrement lucratif et puis leur besoin d'être à proximité donc, de la mer. Plus en mer, on retrouve aussi des appropriations des espaces, puisque j'aimerais le dire, mais il y a un point qui est très particulier en mer par rapport aux autres communs environnementaux. Ce point, tu l'as évoqué, c'est le fait qu'on n'ait pas de propriété privée immobilière. On ne peut pas acheter un local de mer. On ne peut pas l'acheter en France, on ne peut pas l'acheter aux États-Unis, on ne peut pas l'acheter pratiquement dans tous les pays. Donc, on est dans une situation très particulière de rapport à l'espace quand on a son activité en mer. Si je reprends l'exemple des éoliennes, on s'implantait en mer, mais les entreprises qui construisent les éoliennes ne possèdent pas l'espace sur lequel elles mettent en place leurs installations. Il y a des concessions, un droit qui leur est octroyé de mettre en place ces installations, mais elles n'ont pas de droit de propriété, pas de droit de propriété privée. Donc ça crée une situation très différente par rapport à d'autres biens environnementaux. Et par exemple, si vous possédez un terrain, on ne peut pas vous dire de vous en aller pour y installer n'importe quelle activité. Vous avez un certain nombre de droits qui sont liés à ça. Par exemple, il y a une possibilité de vous exproprier, c'est vrai, mais l'expropriation, elle peut se faire seulement s'il y a un intérêt public. Il faut démontrer cet intérêt. Ça ne peut pas être pour développer n'importe quelle activité. Actuellement, si je reprends l'exemple des pêcheurs, ils ont l'habitude de pêcher dans certaines zones, mais ils n'ont aucun droit à faire valoir vis-à-vis, en termes de droit de propriété, vis-à-vis d'autres activités qui voudraient s'implanter sur ces zones. Et ça, ça crée une spécificité véritablement. Donc, appropriation des espaces. Et puis, appropriation des ressources, on l'a vu avec les accords de pêche. Il y a eu beaucoup de discussions autour des accords de pêche. Et ici, on peut reprendre l'exemple de l'accord entre le Sénégal et l'Union européenne. Cet accord, il a été suspendu entre 2006 et 2014. En effet, il y a eu une revendication de la part des pêcheurs sénégalais qui disaient que les pêcheurs européens pillaient leurs ressources grâce à cet accord de pêche et donc que ce n'était plus acceptable. Donc, l'accord a pris fin. L'accord a pris fin et ensuite on a renégocié un autre accord qui était un peu plus équilibré. La difficulté, c'est que quand on n'a pas d'accord de pêche, et c'est le cas en fait de plusieurs autres États, on peut faire des joint ventures. Les joint ventures, ça veut dire que pour exploiter des ressources qui sont en fait les ressources d'un État qui a le monopole sur ces ressources-là, ce que vous pouvez faire, c'est investir dans une entreprise nationale, une entreprise de cet État. Et à partir de là, donc, ça vous permet d'intégrer la flotte de l'État concerné et de pêcher sur les ressources nationales. Comme j'ai pris déjà beaucoup de temps, je vais aller plus rapidement. Mais il faudrait qu'on puisse discuter un peu avec le public. Je vais aller un petit peu plus vite quand même. Pour aller plus vite, voilà. Est-ce que, revenons à nos temps, est-ce que la planification va entraîner un risque d'appropriation plus important dans les espaces de l'Atlantique tropicale. Ce qu'on a mis à jour, c'est trois points de vigilance principaux. Le premier, c'est qu'on a un déséquilibre de pouvoir entre les parties prenantes, qui existe en Europe, mais qui est plus fort dans les pays d'Atlantique tropicale. On va avoir un certain nombre d'acteurs pour lesquels ce sera très difficile de faire valoir leur droit, et pour lesquels ce sera très difficile de peser dans les négociations. Et à partir de là, il y a véritablement un risque que, même si c'est essentiel pour leur survie, même si c'est essentiel pour l'économie locale, eh bien, finalement, on leur préfère de l'exploitation pétrolière, par exemple. Donc là, c'est un point de vigilance important. C'est la manière de mettre en place de la participation du public, de la concertation avec les acteurs. Et s'il n'est pas tenu compte de ce déséquilibre-là des pouvoirs qui est renforcé dans les pays de l'Atlantique tropicale, on a un risque donc, d'avoir une appropriation des ressources, des espaces, ou une appropriation verte. Deuxième point de vigilance, c'est les outils d'aide à la décision. En deux mots, de quoi il s'agit ? Ce sont des logiciels qui permettent, à partir d'un certain nombre de données qui sont entrées sur le milieu et les activités, de déterminer, par exemple, sur quelle zone il faudra davantage agir, quelle zone il faudra davantage protéger. Ce sont des logiciels qui sont, dans le cadre de la planification, parfois présentés d'une manière un peu idéalisée. Ces logiciels, ils font l'objet de paramétrage, ce qui est logique. Mais ces paramétrages vont avoir un impact sur les zones qui vont ressortir, par exemple, les zones principales à protéger. Et donc, à partir de là, eh bien, la difficulté, c'est que très peu de personnes auront les compétences techniques pour discuter de ces paramétrages, pour discuter des résultats qui sortent de ces outils d'aide à la décision. Et ça, c'est une difficulté. Donc, c'est un point de vigilance à nouveau. D'avoir, lorsque l'on utilise ces outils, une démarche extrêmement transparente pour expliquer l'ensemble de la démarche et s'assurer donc d'une bonne compréhension des paramètres qui sont impliqués et de la manière dont on a déterminé ces zones. Troisième point de vigilance, c'est la question de l'approche adaptative et qui est à nouveau particulièrement importante en Atlantique tropicale parce qu'on va avoir des écosystèmes particulièrement fragiles. Il faut pouvoir adapter au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et aussi de l'évolution des écosystèmes les activités qui s'y déroulent. Le risque, c'est que la carte s'affiche et une fois qu'on a mis en place une cartographie de l'ensemble des activités qui vont se dérouler sur un espace, eh bien, ça va être très difficile de revenir sur, par exemple, l'exploitation de telle ou telle zone. Et ça, c'est un des éléments difficiles parce que, eh bien, pour pouvoir réagir, eh bien, il faut pouvoir modifier le plan. Dans le fonctionnement de la mise en œuvre de la planification de l'espace scientifique, c'est conceptualiser l'idée qu'il faut une démarche adaptative, que tous les 6 ans on revoit le plan, etc. Maintenant, d'un point de vue concret, quand les investissements ont été mis en place, quand les activités ont démarré, on sait que ça va être difficile de revenir sur cet état des choses. Donc, il faut en amont penser à cette possibilité de faire évoluer le plan au fil donc, de l'évolution des connaissances. Voilà. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas sûre que j'ai le temps pour une conclusion, je pense. C'est pas très rapide. En deux mots, temps. Les gens sur place dans les communautés étaient informés à posteriori et que globalement, il n'y avait pas de grosse stratégie à mettre en place pour eux, parce que de toute manière, les projets étaient déjà développés. Et eux, en fait, ils voyaient juste le robot compresseur arriver sur leur village, et puis la fin, ils lui disent la fin. Du coup, moi, ma question, c'était, vous, dans vos... Comment dire, par rapport à vos recherches, là, par rapport à la suite, c'est quoi les stratégies, en fait, face à la planification de l'espace maritime? Parce que moi, aujourd'hui, donc, je suis le coordinateur de l'association Pleine Mer, que vous connaissez, et j'ai complètement arrêté de m'intéresser aux questions de l'MSP depuis plusieurs années maintenant, et je voulais savoir un peu où ça en était aussi au niveau de la... d'un point de vue de la lutte, en fait. Comment les populations locales arrivent à s'énerver avec ça, que ce soit au Sénégal ou au Brésil. Merci beaucoup. Merci pour votre question. C'est effectivement en partie que ce qu'on a essayé de montrer dans cet article, c'est que c'est dangereux, comme on dit. Parce qu'effectivement, d'une part, hein, pour l'essentiel, la mer, c'est l'État qui le gère, c'est l'État de la même manière un peu partout dans le monde. Et à partir de là, on va avoir des logiques qui vont être, comme vous le décrivez, qui partent de l'État et qui vont après s'appliquer et impliquer une partie des acteurs, souvent pas tous. Quelle stratégie adopter? C'est compliqué, c'est l'organisation en fait, hein, pour faire entendre sa voix. Mais clairement, on le sait, c'est un enjeu qui n'est pas évident. Et c'est pour ça que, au moins mettre en lumière le fait que ce n'est pas un objet qui est aussi positif qu'il est présenté généralement. Je ne sais pas comment vous l'avez présenté initialement, mais il est présenté de manière très positive un peu partout. Et en fait, c'est beaucoup plus ambivalent que ça. Oui, je prends la suite. Éric Machu, je suis chercheur à l'IRD. Je viens de passer 6 ans au Sénégal. Et je dirais que la question de l'accaparement, en fait, il est déjà résolu. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir de la marine pachyplonique pour avoir de l'accaparement. Actuellement, toute la pêche passe dans de la farine de poisson. Les gens n'ont même plus accès à la sardinelle, qui est le poisson phare, qui est pêché à 400 000 tonnes par an là-bas, qui compose le plat national que tout le monde mange à tous les repas, le tchiboulien, qui est du riz avec du poisson type couscous. Donc là, apparemment, il a déjà lieu. Donc c'est des choses qu'on nous entend. Mais j'ai lu aussi un chapitre sur la pollution marine. Alors, c'est dommage que vous n'aviez pas de Saint-Nolas dans votre consortium d'auteur sur cet article, parce qu'en fait, il y a une spécificité aussi dont vous n'avez pas parlé sur les océans, c'est que c'est un milieu fluide. Et donc en ce moment, effectivement, il y a énormément de choses qui se passent au niveau exploitation avec la 7e poche de gaz qui a été découverte dans la partie nord du Sénégal et des exploitations de pétrole au sud. Mais le milieu, il connecte le large, c'est des exploitations à 2000 mètres de fond, et la côte. Enfin, nous, on a des modèles de circulation, donc on sait ce qui va se passer. Donc en fait, il y a toute la bande inner shell, toute la petite bande, les petites côtes, c'est une zone critique pour les humains, pour les espèces, énormément d'oiseaux, etc. Et donc, toute cette zone est connectée à des sources de pollution. Donc, spatialement, il y a l'exploitation qui est au large. Toutes les activités sont plutôt à la côte. Mais ça, c'est connecté. Donc après, on va dire du temporal spatial planning. Le problème, c'est quand on a un SSOP, une plateforme duquel on transfère le pétrole vers un tanker, c'est du compte, c'est tous les 2-3 jours. On ne peut pas dire à cette saison-là, on va le faire parce que la circulation permet au pétrole de partir, ou à cette saison-là de faire. Ça ne peut pas marcher. Tous les 2-3 jours, on remplit notre tanker. Et je peux vous promettre, moi j'ai mon neveu qui travaille sur des plateformes pétrolières, quand il y a des incidents, on n'en sait absolument rien. Et là-dessus, il y a tout un processus de surveillance qui est complètement absent. Parce que la pêche, on peut mettre des autorisations de pêche. J'ai un voilier là-bas. Je fais énormément de mesures avec ce voilier. Je suis souvent en mer. La pêche illégale, partout. Donc, il peut y avoir tout le cadre juridique qu'on veut, en fait. Si les États, ils s'en foutent, tout ça, c'est ça le problème. C'est que les États et les dominants d'aujourd'hui, par rapport aux remarques sur le capitalisme, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre des gens. C'est ça le problème, tout le monde est le problème. Pardon. C'est vrai que c'est une des difficultés de dire que finalement, est-ce que la planification de l'espace maritime, c'est le problème, puisque déjà, il y a un cas apparemment. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que on pense en fait, un instrument qui est présenté comme apportant une solution idéale et qui ne résout en rien ses accaparements. Et donc, et qui peut les renforcer parce qu'elles ont structuré justement ces accaparements. Et c'est pour ça que c'est pas par principe qu'il faut le rejeter, cette planification de l'espace maritime. Mais il faut vraiment mettre en lumière tous les risques de renforcement de ces accaparements qui existent déjà pour essayer d'éviter qu'ils ne soient renforcés par cet outil. C'est ça qu'on a essayé. Mais vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé également hein, des accaparements. Et la sardinelle, elle constitue aujourd'hui une partie du plat national, mais c'était le tiof antérieurement. Et le tiof, ça n'a plus depuis longtemps. Voilà, on est dans une évolution. Je voudrais deux petites questions. Parce que. Pendant le micro, par rapport à ces questions-là, un petit conseil de lecture, il y a un petit bouquin, c'est Le Mal qui vient, d'un philosophe sur Castel. Et lui, il dit qu'en fait, il y a des gens qui font le pari de la destruction de l'humanité. Ça change quand même le plan moral, le rapport moral au truc. Il y a des gens qui sont conscients que leurs actions de destruction causent la perte générale. Et le fond tout en conscience. Et il dit, ça change, je vous dis ça, je suis fait, mais ça change forcément le plan moral de la vie. Bonjour, c'est moi je suis Laurent, là je suis centre citoyen, je suis d'un petit village de Trégor, là j'ai grandi dans les algues vertes pendant 40 ans. Et voilà, j'en ai senti, j'en ai mangé dans mon champ partout, comme beaucoup de gens. Et voilà, je vais vous demander si vous pensez qu'il y a une alternative pour changer les choses, hein, pour sauver un peu les océans, nous tous, quoi. Une alternative à l'effondrement du capitalisme. C'est ce que je pense. Alors, on n'a rien. Rapidement, c'est une question qui est franchement importante. C'est la question des possibles moyens de dépassement des modes de production actuels. Mais honnêtement, et c'est vrai que c'est le format d'une conférence, c'est comme ça, on a parlé davantage et tout, mais je pense que la discussion va continuer dans les jours à venir. Et la question, c'est alors comment on peut dépasser, par quelle stratégie et quelle perspective. Moi j'ai des idées à partager là-dessus, mais en tant que citoyen, comme enseignant-chercheur, je ne vais pas dire j'ai trouvé la solution au dépassement du capitalisme, parce que c'est un problème qui occupe les sociétés. Qui subit ce mode de production depuis assez longtemps pour qu'on ne la touche pas comme ça, mais par contre, la solution, elle peut être plus collective. Alors, effectivement, juste pour compléter rapidement, il y a différentes solutions qui peuvent être présentées et elles sont pas toutes souhaitables. Hein. Je prends l'exemple de la financiarisation de l'économie bleue. Et par exemple, certains espaces qui pourraient être donc accaparés pour développer simplement de l'air protégé. Et est-ce qu'il serait. C'est plus dur, ça. Comment ? Une ampleur dans le capitalisme. Voilà. Bon, c'est pas franchement une alternative. Justement, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est qu'il y a pas mal de solutions qui sont proposées actuellement qui vont dans ce sens-là. Et même si ça nous permettait de protéger l'environnement, est-ce que ce serait souhaitable ? Est-ce que ce serait vraiment ça qu'on voudrait ? Il y a peu de chance, justement. Et c'est pour ça que actuellement, on a pas mal de solutions qui circulent et sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant parce que ça n'entraîne pas simplement l'environnement au sens de la nature, ça entraîne l'environnement au sens de notre milieu et de notre société et de ce que ça va créer. Puisque la crise écologique que l'on vit actuellement, elle va bouleverser la société, elle est déjà en train de bouleverser. À partir de là, comment construire des solutions qui seront humainement acceptables par rapport à cette crise ? En droit, on a développé un principe de solidarité écologique qui qui permet de penser finalement l'environnement et l'humain en même temps, et qui permet d'essayer de renouveler finalement l'approche de développement durable pour revenir vers simplement une manière de penser l'environnement dans lequel on vit, où on puisse développer son activité mais sans volonté expansionniste, et de tout simplement pouvoir, et largement à l'échelle locale en fait, construire une manière de vivre dans son environnement qui soit acceptable humainement, qui soit démocratique et qui soit compatible avec un environnement qui soit sain. Je vous propose une dernière question et après on fera une minute de pause. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour vos deux interventions. Je m'appelle Daniel, je suis chercheur et j'avais une question sur la notion même de bien commun. En fait, qu'est-ce que vous incluez dans ces biens communs? Est-ce que ce sont des biens communs qui sont purement anthropiques, c'est-à-dire qui s'adressent qu'aux hommes et aux sociétés, comme vous venez de le dire, ou est-ce qu'on a aussi vocation à élargir ce bien commun aux différentes espèces qui la peuplent, aux dauphins, aux espèces animales, végétales, etc., etc. Et l'autre question que j'avais, c'est en quoi est-ce que cette notion de bien commun, elle se distingue d'autres notions de la théorie économique plus classique, parce qu'on a bien vu ces derniers temps que le capitalisme a développé des facultés merveilleuses pour réintégrer un certain nombre de critiques qui venaient de l'extérieur et finalement essayer de la phagocyter pour y apporter une fausse réponse. Et donc en quoi est-ce que justement ces biens communs permettent de ne pas faire le jeu du capitalisme qui pourrait répondre en arrêtant des touillettes en plastique, par exemple, un certain nombre de mesures de ce type-là. Je vous remercie. Par rapport à cette question des communs, le principe tout de même, c'est que effectivement, il y a inclusion. La perspective de conservation des communs environnementaux implique d'essayer de se décentrer par rapport à une perspective qui serait uniquement anthropocentrique, qui tournerait uniquement autour des êtres humains. Ceci dit, donc ça c'est important déjà de le dire, mais ensuite il est vrai que les dynamiques qui affectent nos milieux de vie sont des dynamiques sociales et économiques produites par les activités humaines, et donc il faut faire tenir les deux bouts ensemble. C'est-à-dire que parfois il y a un discours sur le vivant en général qui risque en tout cas de mettre un peu sur le côté la question des dynamiques effectives de l'économie qui détruisent les milieux de vie, mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi particulière des êtres humains dans nos milieux de vie et à l'égard de nos milieux de vie en général. J'aime bien la phrase d'Élisée Reclus, qui était un géographe anarchiste et qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Et de ce fait-là, moi je pense que cette formule-là, contrairement à ce qu'on peut penser, elle dépasse l'anthropocentrisme. Et nous met à notre juste place, et une place qui de fait correspond déjà, alors qu'il écrit ça à la fin du 19e, eh bien, au rôle politique et social que les sociétés humaines doivent prendre au moment de l'Anthropocène, si on ne veut pas effectivement que le monde se transforme en désert autour de nous. Bon. Et sur les biens communs et la théorie économique, je ne sais pas si tu peux répondre là-dessus, ou sur autre chose. Juste en deux mots pour ce sont les biens communs. Ils sont ce qu'on en fait et la manière dont on les définit. Et typiquement, quand en 82, on définit un patrimoine commun d'humanité pour les ressources minérales de la zone qui se trouve au-delà des plateaux continentaux, on met une mécanique juridique derrière de manière à pouvoir redistribuer les bénéfices issus de leur exploitation. Là, on a quelque chose de solide. Pas suffisamment environnemental, on est d'accord. À l'époque, on ne savait pas trop qu'il y avait des écosystèmes qui vivaient dans des espaces si profonds. On commençait juste à les découvrir. Donc, voilà, ça pêche pour ce point, mais au moins, il y a quelque chose derrière. Si vous affichez la biodiversité ou n'importe quoi en fait, ce que vous voulez comme bien commun et que vous mettez rien derrière, c'est d'accord. Désolé pour les personnes qui avaient encore des questions, mais on a un emploi du temps à respecter et parce que l'université a une date une heure de fermeture. On va faire 10 minutes de pause. Bon, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, il y a un protocole sanitaire, donc ça va éviter. Mais on fait quand même 10 minutes pour préparer